1, yeah, ouais, 9, 4, yeah. Hey, yeah. Pour qu'on me contacte, quitter avec aucune police. C'est ce que j'ai vécu, donc j'évacue et garde ma police. Pas convaincu. Et si je te dis, je représente les murs. L'équipe qui m'échec qui mat explose, on ramasse les miettes. Oh, je commence trop cru, peut-être il faut que je m'adoucis. Mais je représente les ghettos dans ma vie, merde, y'a trop de soucis. Tant même tu sais, et j'ai un style qui te fait tousser. Quand ma salive commence à mousser, je représente le bon style, celui où sur les beats tu t'installes. En même temps, hoche la tête et m'insulte. Super ghetto MC, je suis là pour saigner l'insou. Instituteur, les mecs demandent c'est qui cet intrus. Je dois tout niquer, c'est ce qui est écrit dans mon contrat. Hardcore cliquette le contrat, je donne ça même sur du contrat. Et je contribue à l'assemblée et brûle le micro. Tous rassemblés comme à la guerre et baisse le mytho. On m'a dit draper, j'ai dit oui, je pointerai. Prends-toi de bonnes vibes dans ta rassemblement. Flow, ça tombe bien. Justement, puisqu'on en parle, je pense qu'il est normal d'avoir pensé au bronze s'il faut. Plus dire tu connais pas, parce que des gars qui posent comme ça, ben moi j'en connais peu. Ça y a contrôle les temps, pas de temps, s'entend tout le temps et ça à chaque fois qu'il faut. Donc, si tu t'attendais un bon morceau, y'aura pas de crampe. Si t'attendais un bon morceau, t'auras ta crampe. Ça y a fait son show, sans faire chez personne. Dis pas sans façon, façon c'est personne. Fière façon de dire c'est faible quand c'est fort. Ça y a c'est d'hab for me, comme d'hab. C'est pas de la don car je me dois d'obtenir au promis. Un bon son qui promet, bon son pour la promo. Texan c'est ou ego, et gars c'est gong pour nous. Et gang les meutes pour vous. Black Death, à tes côtés c'est Al-Assad. Partie de quoi? D'une partie de rap dans la cave. Porter l'étendard avec fierté. Tu sais qui je représente? Les meutes. DSS représente les meutes. Crève ceux qui ziotent sans hésiter. T'as beau toucher le ciel avec ta 2D. Tu peux quoi toi face aux titans? Rage de vaincre, objectif lune. Parvenir en jet, RAP. Parvenu comme un novice de la jet set. Combien sont revenus? Faut avoir baissé les bras, lâcher la lutte. À nous c'est pas notre but. Prouver au but de quoi on est capable. Joue le jeu, micro sur table. Jeune Vitré, capitale des bracos, des complots, on vient amasser. C'est pas aiglo, c'est ton corps qu'on va ramasser. L'incarnation du 357, c'est pour un 187 flow. Pour ceux qui se torchent avec la main gauche et de l'eau. C'est le ghetto style, demande à Vierge, c'est hostile. C'est tendu, comme un pénis face à un vagin. C'est pour les calouches, les arbouches, les manouches en galouche. Hardcore même quand ça galoche. J'vais là où les jeunes vont plus au placard que jamais. Hachèque au parloir, shit coffré dans le zimmer. Gamberge de Nombo, déterminé, né pour dominer. Numéro 1, même si on m'a pas nominé. J'monte pas les couilles, les allemandes à la roll page. Une grosse berline allemande, avec des putains de jantes. C'est le bitume qui chante. Les allemandes à la roll pas. De Vitry, Bois la baie, Champigny. Passant par Barbus, Joinville. Des bonhommes qui paiera, 9-4 petit gré, de force ou gré ça paiera. Du vrai du concret, et des bonhommes qui paiera, 9-4 petit gré, de force ou gré ça paiera. En millions d'euros, du concret, et des bonhommes qui paiera, 9-4 petit gré, de force ou gré ça paiera. Du vrai du concret, y'a que des bonhommes qui paiera, 9-4 petit gré, de force ou gré ça paiera. En millions d'euros, du concret, y'a que des bonhommes qui paiera, 9-4 petit gré, de force ou gré ça paiera. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah.